Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement. On vous a préparé un bon 2 heures de rock progressif et on donne le coup d'envoi ce soir avec une nouveauté de Tom Galgano. Et oui, le claviériste de Is qu'on a eu le grand plaisir de recevoir dans le cadre de la 18e édition du festival Terra Incognita en mai dernier. Pour Tom Galgano, c'est un premier essai solo. Le titre de l'album, c'est Sleepwalking in a Strange Land. Et ce soir, on vous présente la pièce Carried Away. Et puis, une nouveauté italienne avec Dahl, un groupe qui a été mis sur pied en 2008 par le claviériste Alfio Costa, qui a notamment fait partie de Prowlers, de Tillion, de Colossus Project, et du batteur Davide Guidoni, qui a notamment joué avec Taproban et Gallant Farm. Dahl vient de lancer son 8e disque studio qui a pour titre Decoding the Emptiness. Et comme premier extrait, on vous présente la pièce titre. On peut mentionner que depuis quelques albums, le groupe peut compter sur le guitariste Ettore Salati, qui à une certaine époque faisait partie de The Watch. Et puis Marc, par la suite, on a une nouveauté en provenance des Pays-Bas. Oui, en effet, c'est la formation Os qui viennent de faire paraître leur 13e album en carrière qui a pour titre Between the Apex and the Pinnacle. La formation a vu le jour en 1998, et leur premier album, intitulé A Sorrow of Our Hearts, était paru en 2002. Ils ont fait paraître comme ça un album presque à chaque année. C'est un quatuor composé de Joss Vernas à la basse, guitare acoustique électrique aux compositions, Peter Jan Clevens au clavier, Paul Van Velzen aux percussions et Marike Vernas à la voix. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce titre de cet album, donc Between the Apex and the Pinnacle. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute l'émission de ce soir avec, en primeur, une pièce du premier album de Tom Galgano. At noon, all the leaves are dead. She lies in the dreaming of darkness never seen, unknown to everyone. Decoding the emptiness, searching for the way that leads through the fog. Decoding the emptiness, the wrong key in a small. Stretching our arms towards the dim stars. Thank you. Terra Incognita se poursuit avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. Pour entamer cette nouvelle demi-heure, on a une nouveauté qui est parue il y a deux jours. Le groupe a pour nom EXO. Ex-Zino. C'est un groupe qui réunit le guitariste Craig Maher, le bassiste Billy Sherwood qu'on connaît surtout pour son rôle au sein de Yes, le batteur Jay Shellen qui lui aussi a joué avec Yes et pour finir, Patrick Moraz au clavier qui lui aussi a contribué à Yes. On peut dire donc qu'on a quelques indices sur la facture sonore de ce nouveau groupe. L'album a pour titre Luminous Voyage. Et puis on va vous présenter aussi un second extrait de Tim Morse, son album 20e anniversaire de Transformation. Et ce soir, on vous présente la pièce Temptation. Et puis Marc, par la suite, on a une nouveauté en provenance d'Italie. Oui, en effet, c'est la formation Ellesmere, une formation qui a été fondée à Rome en 2014 par Roberto Vitelli, bassiste et guitariste pour Taproban. La formation a 4 albums à son actif, dont le plus récent Stranger Skies est paru en 2024. Ils avaient fait paraître un album en spectacle, Live Smear, en 2022. Et cette année, présenteront un autre album en spectacle qui aura pour titre Mirror on Stage. Et on a pour vous, en primeur ce soir, une pièce de cet album. C'est la pièce Tundra. Également, on aura un nouvel extrait du nouvel album de la formation suédoise Gösta Berlings Saga, qui ont fait paraître récemment leur nouvel album Forever Now, qui est leur 7e en carrière. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce Dog Years. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute ce second bloc musical de l'émission avec un extrait du nouvel album de la formation EXO ex Xeno. Let's go! De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation canadienne Half Past Four. Et on aura pour vous un second extrait de leur nouvel album Finding Time qui vient de paraître. C'est leur troisième album en carrière. Leur premier, Rabbit in the Vestibule, était paru en 2008. Leur second, Good Things, en 2013. Ils ont également fait paraître un EP en 2016, puis celui-ci donc de retour après plusieurs années d'absence sur disque. Et la pièce qu'on aura pour vous ce soir a pour titre Branches. On aura également un nouvel extrait du nouvel album de la formation japonaise Yuka et Chronoship. L'album a pour titre Ribbon Butterfly. Et on aura pour vous la pièce Polar Dark, qui est instrumentale. On aura également un second extrait du nouvel album de la formation Lost World Band. C'est une formation qui a vu le jour en Russie dans les années 90. Ils sont maintenant installés dans l'État de New York et viennent de faire paraître leur album Remission, leur 10e en carrière. Et on aura pour vous ce soir la pièce titre de ce nouvel album. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une nouveauté d'une formation norvégienne. Oui, il s'agit de Half Christ, qui a fait une entrée remarquée en 2023 avec son premier essai, The Approbation, le 13 juin dernier. Mais le groupe a lancé son second essai, qui a pour titre Waving at the Sky. On remarque la présence du chanteur Ross Jennings de Aachen en tant qu'invité. On peut l'entendre sur la pièce de Malevolent. En plus d'être un membre fondateur de Aachen, fait aussi partie des groupes Novina et Redados. Et il a aussi réalisé deux albums avec la complicité de Nick DeVirgilio et de Neil Morse. Ce soir, on a choisi de vous présenter les deux premières pièces de ce nouvel album, soit Preceding et The Trauma.

Thank you.

Dans le prochain bloc musical, on aura deux formations italiennes, entre autres Submarine Silence et un extrait de leur nouvel album Atonement of a Former Sailor Turned Painter. Et ce qu'on aura pour vous, c'est la pièce d'ouverture qui a pour titre Majestic Whales, sur lequel apparaît Roy Nistolt, guitariste de The Flower Kings. Et pour débuter le bloc musical, Michel, un extrait d'un des meilleurs albums de rock progressif italien paru cette année? Oui, l'album a été lancé en début d'année, au mois de février pour être plus précis, et c'était tout un retour pour la formation italienne Nuova Era avec leur sixième album studio, Ventimila Leghe Sotto I Mari, un album concept inspiré du roman de Jules Verne 20 000 lieues sous les mers, et je dois dire que c'est une pure réussite. L'album est constitué de deux pièces seulement, dont la magnifique pièce épique Ventimila Leghe Sotto I Mari, qui affiche pas moins de 36 minutes au compteur. Dans une émission précédente, on vous a présenté un extrait de la pièce titre, et ce soir, on vous propose un autre extrait d'une dizaine de minutes, et ma foi, je pense que je serai en mesure d'en préparer un autre d'une dizaine de minutes pour une prochaine émission. Et sans plus tarder, on y va avec Nuova Era et Ventimila Leghe Sotto I Mari. We'll be right back. dagli occhi miei. Sospeso fluttua il tempo per l'eternità. Immutata corre l'onda da millenni ormai. Thank you. conclure l'émission ce soir, on va avoir le groupe québécois Code 18 avec un extrait de l'album Human Error qui a été lancé en 2020. Un groupe mené par le claviériste Johnny Maz qu'on a eu le grand plaisir d'accueillir dans le cadre de la 18e édition du festival Terra Incognita, dans un premier temps avec le prog show, puis une prestation solo le dimanche en début de journée. De cet album, on a retenu la pièce Drought. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Revenez-nous la semaine prochaine pour encore un bon 2 heures de rock progressif. Restez à l'écoute, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL.